passe un cap, saute la rivière, fier comme un pape, le nez en l'air. Je bouffe la vie à pleines dents, je tousse un cri de l'en dedans. Le vent dans le dos, tout va si vite, je tire le rideau et prends la fuite vers je ne sais où pour du bon temps. Les jambes au cou, le cœur battant, je suis au zénith de la grande roue. Cette fois je quitte mes garde-fous pour la descente. Fort je me sens, rien ne me hante, putain. 30 ans dans le rétro, y a du brouillard, peut-être un métro, deux de retard. Mais peu importe, j'ai tout mon temps, en quelque sorte, putain, 30 ans. La gueule du loup montre ses crocs, mais je m'en fous, j'y vais franco. Si je laisse des plumes, je paie content. Jure là la lune, putain, 30 ans. Les souvenirs qui se bousculent pour un avenir sans particules. Et ce présent qui fout le camp à chaque instant, putain, 30 ans. J't'aime mon amour, serre-moi fort, que nos vieux jours n'usent que nos corps. Je compte nos rides pour passer le temps, encore timide, putain, 30 ans. Là sur la liste des rescapés, en bout de piste, je veux m'envoler. À l'horizon, le soleil m'attend, rêver c'est con, putain, 30 ans. Je veux choisir mes faits divers, ne pas finir le cœur amer. Et moi aussi, je suis content, doucement je ris. À dans 10 ans.